Thérapie par avatar et conscience supramentale. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! La thérapie par avatar s'adresse à des gens souffrant d'une ou deux voix qu'ils entendent dans leur tête. Entre autres, elle est étudiée à l'Institut Philippe Pinel de Montréal, au Canada. Elle se rapporte à la création d'un avatar. C'est un personnage informatique qui représente la voix persécutrice que la personne faisant la thérapie dit entendre. Ensuite, le thérapeute prend en note les phrases que l'individu entend régulièrement venant de cette voix et qui lui occasionnent de la souffrance. Après, il y a une mise en situation où le thérapeute déguise sa voix et projette l'image avec la voix du personnage, représentant la voix qu'elle entend sur un écran. Il fait alors semblant d'être lui en récitant les phrases qui occasionnent de la souffrance. La personne vivant la thérapie observe l'image projetée sur l'écran en entendant simultanément ce personnage lui parler. Donc, cette thérapie s'avère un entraînement virtuel et éducatif visant à ce que la personne qui consulte apprenne à composer avec une voix persécutrice de manière à ne plus en souffrir. Le but est d'amener la personne qui souffre d'une voix qu'elle entend lui prononcer des propos agressants à s'affirmer devant elle. La thérapie l'amène à être capable de la contester et de se distancer de ses propos en n'y croyant pas et à modifier son rapport avec elle pour ne plus qu'elle perturbe sa vie. Elle vise à permettre à la personne l'entendant de fonctionner mieux dans son quotidien et qu'elle apprenne à gérer son contact avec la voix de manière à ne plus en souffrir. La thérapie par avatar rejoint l'instruction supramentale par rapport au fait qu'elle amène l'individu à apprendre à s'affirmer devant les voix persécutrices qu'il peut percevoir et ne pas les croire et se libérer de leur influence. Bien entendu, la thérapie par avatar repose sur le principe venant de la science actuelle, ayant une conception matérialiste de la réalité, que ce sont des hallucinations auditives les voix plutôt que des entités. Par contre, la conscience supramentale s'appuie sur le principe qu'elles proviennent réellement d'entités parce que la réalité est multidimensionnelle. Toutefois, peu importe la cause des voix, le principe demeure que l'individu les entendant doit apprendre à gérer intelligemment leurs perceptions plutôt que de les subir. Donc, le scientifique matérialiste qui utilise la thérapie par avatar et celui qui a accès à la conscience supramentale, ayant une vision de la réalité multidimensionnelle, peuvent s'entendre sur le fait qu'il est important qu'il y ait une bonne gestion de ses voix de manière à ce que l'individu en contact avec elle n'en souffre plus. Donc, il y a une entente possible sur la finalité de l'intervention visant à ce que l'individu entendant les voix soit bien dans sa peau. Éventuellement, il serait utile que la science matérialiste et la science de l'esprit supramental, reposant sur des conceptions différentes de la réalité, soient mises en relation pour former une seule grande science intégrale qui englobera toute l'expérience de l'humain. Cette dernière permettrait de tenir compte du fait que la réalité est multidimensionnelle au lieu de s'appuyer sur une vision de cette dernière matérialiste et réductionniste. Elle pourrait reconnaître l'existence des entités comme on est capable de reconnaître celle des ondes cellulaires ou d'un réseau Internet sans fil qu'on ne voit pas avec les yeux dans la matière. Ce n'est pas parce qu'on ne perçoit pas des choses ou des entités sur le plan physique qu'elles sont nécessairement des hallucinations. Ce qui va amener un changement de perception du professionnel de la relation d'aide à l'égard du phénomène des entendeurs de voix, c'est le fait de l'expérimenter également et de connaître une mutation de conscience sur une base individuelle, lui permettant de percevoir des choses qu'il ne percevait pas avant. Lorsque la personne vit une expérience paranormale, elle est généralement plus ouverte de reconnaître l'éventualité qu'une autre personne puisse la vivre aussi. Si deux personnes perçoivent et interagissent avec la même entité, l'existence de cet être se trouvant au-delà du plan physique est reconnue alors réellement. Par contre, s'il y en a une qui la perçoit et l'autre non, eh bien, elle ne l'est pas. Comme nous sommes entrés dans l'âge de la fusion de l'âme avec l'esprit, donnant accès à des perceptions psychiques, il est inévitable que toutes les personnes au fil des siècles vivent la fusion et que l'existence des entités soit reconnue par la population en général. Ainsi, les médecins, les psychologues, travailleurs sociaux et psychiatres en feront aussi l'expérience et pourront travailler avec leurs clients à la lumière de cette compréhension. Ce n'est qu'une question de temps. Donc, il ne sert à rien de convaincre les gens de l'existence du paranormal, entités, extraterrestres, esprits, survie de l'âme après la mort, etc., parce que lorsqu'ils feront des expériences en lien avec ces éléments, ils n'auront d'autre choix que d'en reconnaître la réalité. Par contre, il peut être utile de parler de paranormal, mais seulement auprès des gens concernés à des fins d'intégration d'expériences personnelles. Tant que la personne ne perçoit pas et ne dialogue pas avec une entité, elle peut penser que les entités ne sont que des hallucinations et c'est normal. Si on cherche à convaincre quelqu'un de quelque chose, qu'elle ne fait pas l'expérience, cela n'est pas approprié parce que cet agissement vise à l'amener à croire plutôt qu'à savoir par elle-même. D'ici le moment où les gens auront accès aux mêmes perceptions psychiques, l'individu conscient de l'existence des entités et capable de gérer leur rapport avec elles intelligemment n'a qu'à contenir le temps qu'une masse critique de gens vivant des expériences paranormales soit suffisamment grande pour parler davantage ouvertement de ses perceptions. Sinon, elle peut juste en parler sur une base individuelle avec les gens concernés, étant donné que les autres ne peuvent pas le comprendre. Voilà ce qui termine la lecture du texte qui s'intitule « Thérapie par avatar et conscience supramentale » que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien en bas de cet enregistrement.